L'amour c'est un fruit, tout le monde voulait mordre. Artiste toujours peine à croire la vie. Zozio jambé de l'eau, toujours carré tourné. Là aussi mais bien, c'est la bonne poussée. Soleil qu'a levé, derrière qui boit la vie.